بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أول الناقد التي مرت بنا ما هي؟ الشرك في عبادة الله. نعم، الشرك في عبادة الله، وإيش الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فكل هذه النواقض إن شاء الله نحفظها مع الدليل. طيب، الشرك الأكبر ما هو؟ والشرك الأصغر ما هو؟ من العبادة لغير الله. نعم، صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. نعم، أو أحسن التعريف ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من عرف هذا، يعني من عرف الشرك بهذا التعريف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من؟ عبد الله بن مسعود. ومن أخرجه؟ متفق عليه. نعم. طيب، والشرك الأصغر ما هو؟ الرياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. أحسنت، جميل. لكن تعريف شرك الأصغر، c'est quoi la définition appropriée pour le شرك الأصغر؟ شيخ عمر، الشرك الأصغر ما هو يعني تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ كل ما يسمى شركا، وكل ما يسمى شركا لكن لا يكون صاحب منا. جميل، يكون في الألفاظ جميل، اكتبوا هذا. يعني الشرك الأصغر هو ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع مما يعني donc le شرك الأصغر c'est tout ce que la législation a interdit مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. C'est tout ce que la législation a interdit parmi les choses faisant partie ou étant un chemin menant à la grande association. وجاء في النصوص تسميته شركا ووسيلة للوقوع فيه. Et c'est aussi un moyen de tomber. C'est-à-dire, ça fait, يعني, c'est tout ce que la législation a interdit, faisant partie des choses qui mènent au shirk ou des moyens qui y font tomber. c'est-à-dire qui nous font tomber dans le shirk. Et dont les textes, c'est-à-dire waja'a fi an-nusus, yani les textes du kitab ou de la sunna, sont apparus avec son appellation shirkan. Et les textes du kitab ou de la sunna ont appelé ce genre de péché shirk. Mafhoum? هذا هو الشرك الأصغر كما عرفها أو كما عرفه اللجنة الدائمة. Ça c'est le تعريف de اللجنة الدائمة, le comité des grands savants في زمان رئاسة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. نعم. فإذا قد عرفتم الشرك الأكبر ما هو والشرك الأصغر ما هو. نعم. طيب ثم الآن سندخل في أهم المسائل في هذا الكتاب, وهي مسائل, يعني مسائل عظيمة تبين وتفرق بين يعني أفكار المتطرفة الذين غلوا في هذا الباب, وكذلك الذين جفوا, أي ما اهتموا بهذه الضوابط. Donc les points qu'on va voir sont des points très importants, et par ces points là on va pouvoir faire la différence entre ceux qui ont exagéré sur le chapitre du takfir et ceux qui ont négligé. نعم. طيب. قلنا الفرق بين التكفير المطلق والمعين. هناك فرق بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. Juste cette mas'ala هي الفاصلة بين أهل السنة والخوارج. Juste cette petite mas'ala qu'on va voir là, c'est le point qui va différencier entre les gens de la Sunna et les خوارج. نعم. قال التكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل والقول. تنزيل الحكم بالكفر على الفعل والقول. C'est le fait de faire descendre un jugement sur une action ou sur une parole. هذا تسمى تكفير مطلق. Ça c'est du تكفير global. نعم. طيب. فيقال من قال كذا فهو كافر. أو فعل كذا فهو كافر. Donc on dit celui qui a fait une telle action, il a mécru. Ou c'est un mécréant. Celui qui a fait une telle action, il a mécru ou c'est un mécréant. هذا تكفير ولا شك. لكن هذا تكفير بالعين أو مطلق. هذا تكفير مطلق. هذا فهم يعني لا بد من التنبه له. طيب. Donc c'est le fait de faire descendre un jugement sur l'action ou sur la parole. Mais on ne fait pas descendre le jugement sur celui qui fait l'action ou sur celui qui dit la parole. Du moment qu'on ne fait pas descendre le jugement sur celui qui fait cette parole ou celui qui dit cette parole, celui qui dit cette parole ou celui qui fait cette action, alors ça s'appelle du takfir mutlaq. Naam. Mafhoum? Mathalan, quelqu'un, il dit celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, fawa kafir. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, c'est un kafir. Hada, c'est quoi comme takfir? Mutlaq, global. Naam. Tamam. طيب فقال فيقال من قال كذا فهو كفر أو كفر فقد كفر أو فعل كذا فهو كفر نعم دون تنزيل الحكم على المعين et ceci sans apporter un jugement un quelconque jugement sur une personne précise du moment qu'il n'y a pas de jugement sur une personne précise فَهَذَا تَكْفِيرٌ مُطْلَق مفهوم نعم طيب وَأَمَّا التَّكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ mais en ce qui concerne le takfir muayyan c'est-à-dire le takfir précis d'une personne ou d'un groupe ça peut être d'une personne ou d'un groupe مثلا واحد يقول حكام المسلمين حكام المسلمين الآن كفار فهذا قد يدخل في التكفير بالعين مفهوم وإن كانوا جماعة طيب نعم طيب فهو الحكم بالكفر على الشخص المعين Donc le takfir al-mu'ayyan, c'est le fait de juger une personne précise ou de faire descendre le jugement de la mécréance sur une personne précise. Sur une personne précise qui a commis un acte de mécréance ou qui a dit une parole de mécréance. طيب ثم قال بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. Et ceci après s'être assuré que toutes les conditions pour rendre cette personne-là mécréante sont présentes et que tout ce qui peut tous les empêchements, c'est-à-dire que tout ce qui peut empêcher de rendre cette personne mécréante sont absents. Toutes les choses qui peuvent empêcher de rendre cette personne mécréante sont absentes. Donc il faut qu'il y ait l'absence des mawani' et aussi qu'il y ait un tawaffur des shurut. Que toutes les conditions soient présentes pour cela. Na'am. طيب. فمثلا, pourquoi on a dit que cette mas'ala qui est pour la plupart d'entre nous, elle est simple. Mais c'est un fasil entre les gens d'Ahl Sunna et les takfiriyin ou les khawarij. Mathalan, الآن عندكم كلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين. يتكلم يقول إذا كان حاكما من حكام المسلمين غير جميع القوانين فهذا كفر لا يشك فيه. Cheikh Al-Uthaymeen, il a une parole où il dit que si un dirigeant, parmi les dirigeants d'un pays musulman, il a changé toutes les lois d'Allah Azza wa Jal, et il a placé pour son pays que des lois, les lois des créatures, فهذا, c'est un mécréant, il a mécru, et il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'il a mécru. طيب. أخذوا هذا الكلام هؤلاء الناس وقالوا يعني طيب إذن رئيس الجزائر كافر رئيس فلان كافر رئيس فلان كافر رئيس فلان كافر من كفرهم؟ قال الشيخ العثيمين والشيخ شيخ ماذا شيخ الإسلام قبلهم ونحو هذا عرف؟ quand tu vas leur demander après avec ce genre de parole ils vont prétendre que le président de tel pays c'est un mécréant. Tu vas leur demander c'est quoi ta preuve? Ils vont dire ouais, Cheikh Al-Uthaymeen il a dit ça. Aslan wa faslan, quand on va voir parmi les shurut, ça on va venir. Déjà awalan, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Wa hadha batatan ma sayakun dalilan. Le kalam d'un alim, ça sera jamais un dalil en soi. إلا إذا كان هذا العلم رسول الله عليه الصلاة والسلام تمام كما كان يعني الإمام مالك يقول كل قول يؤخذ أو يقبل إلا يعني قول صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Toute parole, elle peut être prise ou rejetée, sauf la parole de l'habitant de cette tombe, qui est celle du prophète, alayhi salatu wassalam. فَهَذَا يُؤْخَذْ وَلَا يُرَدْ. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, doit être prise et considérée et ne pas être réfutée. نعم. فَهَوَلَا اِسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ. فَأَوَلًا, c'est pas un délire. ثَانِيًا, est-ce que c'est un takfir mutlaq ou c'est un takfir mu'ayyan? Mutlaq. فهذا ما من أحد نختلف ما نختلف يعني celui qui se prosterne pour autre que Allah هذا كفر فإذا فعله هذا كافر ما نختلف هذا حق. لكن quand toi tu vas venir pour descendre le jugement sur une personne précise ou sur un groupe précis هذا فلا ça c'est pas comme ça parce que هناك شروط وهناك موانع parce que là il y a des conditions et là il y a des choses qui empêchent. نعم. Et la but que les conditions elles soient toutes présentes, comme on va voir, inshallah, dans ces cours, quelles sont les conditions. نعم. طيب. قلنا ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كما في مجموع الفتاوى وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في الألفاظ أو في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين. في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع. Donc, يعني il y a une confusion qui est arrivée c'est-à-dire aux gens de l'époque de Cheikh l'Islam comme aux gens d'avant, parce que les khawaris ils sont sortis qu'avec une mauvaise compréhension de ce genre de masael. نعم. Et donc, Cheikh l'Islam, il dit, كلما رأوا قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا لفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبر أن التكفير له شروط. نعم. له شروط وموانع. Donc, le fait de rendre une personne mécréante, ça a des conditions. Et ça a des choses qui l'empêchent. Personne il peut venir et il prend des paroles qui sont يعتبرون تكفير مطلق, c'est du takfir global, et il vient et il les pose sur des personnes en particulier. نعم. فهمتم؟ فهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. Ça c'est pour vous montrer que eux ils vont prendre les paroles de Cheikh l'Islam. Ils vont prendre les paroles de Cheikh l'Islam pour les appliquer. Et ils vont les comprendre selon leur ahwa, selon leur passion. Ou alors, Cheikh l'Islam, là, il dit هذا الكلام. Ou, يعني, لا يرضى بهذه الأفعال. Ou, على سبيل المثال, Cheikh l'Islam, il a une fatwa où il dit celui qui a fait du tort, binar, il peut être, on peut se venger de lui avec le feu. أخذوا هذا الكلام هؤلاء الخوارج ولما مسكوا واحد من أعدائهم ها فحرقوه. Donc ils l'ont attrapé, يعني ils ont pris cette parole et lorsque ils ont trouvé un de leurs ennemis ils ont mis la main dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de le tuer, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit قد كتب يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قولوا لتويد من منير كيف كذن فيه اللهم غلي فيهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. فأيوه ils ont pris des paroles qui sont globales qui sont pas apposées sur une personne en soi mais c'est apposé sur des œuvres ou c'est apposé sur des paroles. Mais sur une personne en soi, non. Ça va? Donc eux, ils ont mal compris ces textes et ils sont partis avec leur hawa sur ces actes criminels que vous connaissez. نعم. وقال العلامة ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم. Donc Cheikh Al-Albani dit, c'est pourquoi moi je conseille ces shabab. Là il s'adresse à Khawarij, Takfiriyin, etc. De faire preuve de crainte face au fait de rendre innovateurs des savants et de les rendre mécréants. وأن يستمروا في طلب العلم حتى ينبغوا فيه. Donc qu'ils continuent à étudier la science afin qu'ils atteignent des hauts degrés. وأن لا يغتروا بأنفسهم ويعرفوا حق العلماء وأسبقيتهم فيه. نعم. Et qu'ils ne soient pas trompés par leur propre personne, mais qu'ils connaissent, qu'ils apprennent à connaître le droit et la valeur des ulama, et que ils précèdent, c'est-à-dire ils les ont précédés dans le khair et dans le ilm. نعم. بخاصة من كان منهم على منهج السلف الصالح. Surtout ceux qui, parmi les ulama, sont restés sur le minhaj des salaf salih, la voie des pieux prédécesseurs. كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. تلميذه البر. نعم. Donc comme l'imam Ahmed, يعني ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah et son élève ماذا ibn al-Qayyim. والفت نظرهم الى مجموع الفتاوى فانه كنيف ملئ علما. Et donc Cheikh Al-Albani dit, et je leur demande d'observer ou de lire Majmou' al-Fatawa, qui sont toutes les fatwas de l'imam Ibn Taymiyyah qui lui ont été regroupées. C'est-à-dire l'imam Ibn Taymiyyah, comme vous savez, il a beaucoup été éprouvé. Et il a passé énormément de temps derrière les barreaux. Et pendant qu'il était en prison, les gens venaient quand même lui poser des questions. Et il répondait aux questions, jusqu'à ce que ça fait une série de questions. Et un de ses élèves, il a décidé de regrouper toutes ces questions et d'en faire un livre qui s'appelle aujourd'hui Majmou' al-Fatawa. Donc Cheikh Al-Albani dit que c'est un trésor de science, ce livre-là. بِخَاصَةٍ فِي فُصُولِ خَاصَةٍ في هذه المسألة خاصة في هذه المسألة الهامة أي التكفير. Il leur dit, lisez dans ce livre-là, surtout dans les chapitres où il évoque le takfir. حيث فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. Car il a différencié entre le takfir المطلق global et le takfir المعين. نعم. فهذا فقط إذا سئلتم. Pourquoi on a ramené cette parole-là, ou cette parole de Cheikh al-Islam, ensuite la parole de Cheikh al-Albani? Parce que si quelqu'un vient et vous dit, mais qui c'est qui t'a devancé à dire, ouais, il y a un takfir mutlaq ou il y a un takfir mu'ayyan? فَلَا تَقُولُونَ جِبْرِيلَ قَالَ. هذا غلط. عرفت؟ فالإنسان يرجع إلى علماء. يرجع إلى العلماء والسلف. فلما نذكر شيخ الإسلام تثقل الميزان. ثم بعدين شيخ الألباني هو إمام عصره كما قال شيخ يحيى قال ما نعلم أعلم منه في عصرنا فهو الجبل. أيوة. يعني عدة أدلة عندك مثلا حديث حاطب ابن أبي بلتعة والحديث حاطب كي أنفويه لتر aux kuffars pour les prévenir de la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Ça se fait, c'est du kuffre. Et le dalil que c'est du kuffre et que c'est du nifaq akbar et i'tiqadi, c'est que les compagnons, dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, ya Rasulullah, da'na nadrib unuqa hada al munafiq. Laisse-nous, on va couper la tête de ce munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam, il n'a pas réfuté leur parole. C'est-à-dire leur parole comme quoi c'est un munafiq, leur jugement comme quoi c'est du nifaq. Il a juste réfuté comme quoi il ne fait pas partie des gens du Nifaq. Haraf. Fa hunak takfirun مطلق وكذلك تكفير معين. يعني بتتبع أدلة الكتاب والسنة عرف ذلك. En suivant et en analysant les textes du Kitab et de la Sunna, les savants ont fait ce genre de taqsim. طيب, شروط التكفير المعين. Parmi les conditions du takfir al-mu'ayyan. Et ça, c'est des conditions كل أحد ربما في جميع الدروس نسألكم فيها. حتى كل واحد بس كيف سي شروطها هذه المسألة مسألة التكفير والتكفير ضوابط التكفير سواء مع ضوابط التبديع والتفسير donc c'est cette réglementation qu'on va voir là c'est la même réglementation que ce soit dans les chapitres du takfir ou que ce soit dans les chapitres du tabdi ou du tafsir, c'est-à-dire le fait de rendre une personne innovateur. Ces conditions-là, toutes celles-là, elles vont rentrer aussi dans ce chapitre-là. Ou le fait de dire d'une personne que c'est un pervers. Tout ce qu'on va voir là, ça va rentrer dans cela. Yani, c'est à prendre pour la bab takfir comme pour les autres chapitres qu'on vient de citer. Naam. Wa bihada yu'lam fadl al-ilm wal-ulama. وأن الإنسان لا يتكلم بشيء لا يحسنه. Et donc avec ce genre de شروط, vous allez voir que la personne elle ne doit pas parler d'une chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne maîtrise pas. Et que مسألة التكفير والتبديع والتفسير, c'est des مسائل qui sont pas simples. كان الشيخ الإسلام يقول أفضل أن أدخل في الإسلام من ليس منه من أن أخرج من الإسلام من هو فيه. Je préfère faire rentrer dans l'islam quelqu'un qui n'y est pas que de faire sortir de l'islam quelqu'un qui y est. نعم. Et inshallah في هذا الدرس نعرف لماذا. طيب. أما شروط التكفير المعين والحكم به فتنقسم إلى أقسام. Donc les shurut, elles se divisent en plusieurs catégories. Les conditions pour rendre une personne mécréante se divisent en plusieurs catégories. Shurutun fil fa'il. Awalan, sur la personne qui a commis ou qui a dit la parole. Il y a des conditions qui doivent être présentes si on veut toutefois le rendre mécréant. أن يكون عاقلا أولا أن يكون عاقلا tout d'abord parmi les conditions pour rendre cette personne là mécréante il faut déjà que cette personne là elle ait sa raison نعم أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا Donc elle doit être aqil, avoir sa raison, et aussi avoir atteint la puberté. وهذا مأخوذ من إيش الدليل؟ دليل أن يكون عاقلا. أن يكون عاقلا. هذا quand Omar il a voulu la fille de la femme qui avait fait azina et après il a Abu Bakr il a dit Abu Bakr ولا علي ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث نعم هذا هو الحديث في الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماذا رفع القلم la plume a été levée pour trois catégories de personnes ومنها الصبي حتى يبلغ l'enfant jusqu'à ce que il atteint la puberté. وكذلك المجنون حتى يعي. Et le majnoun jusqu'à ce que il reprenne son esprit. نعم. فهذا دليل الباب. تمام؟ غدا إذا سئلتم من أين لكم هذا؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ Parce que رفع الكلام القلم ça veut dire لا عليهم اسم ولا عليهم تكليف حتى. مفهوم؟ طيب طيب إذن أن يكون عاقلا بالغا متعمدا متعمدا c'est-à-dire متعمدا voilà يعني il le fait volontairement voilà volontairement qu'il le fasse volontairement نعم فلو قلنا أو لو سمعتم أحدا يقول يا الله أنت عبدي وأنا ربك هذا الكلام ما حكمه celui qui dit oh Allah tu es mon serviteur et je suis ton seigneur هذا ما حكم ال طيب لكن أولا قبل كل شيء هذا الكلام كفر طيب فلما تقول كفر أي نوع يعني الآن هذا تكفير ماذا مطلق ولا معين مطلق ما عينت أي أحد مفهوم طيب فإذا تكلم بهذا الكلام أي أحد نقول من تكلم بهذا الكلام كفر وهذا كفر طيب لكن هل ننزله على كل أحد لا والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ذاك الرجل بعيرة وعليها طعامه وشرابه أيس منها فأتى شجرة فنام عندها فلما استيقظ وجدها فمسكها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم Et le prophète, si c'était vraiment du kufr ou quoi, il n'aurait jamais rigolé. Mais il a rigolé parce que, juste après, il explique, il dit « Akhta'a min shiddatil farah ». Donc l'histoire de la personne qui avait perdu son chameau, alors qu'il était dans une région désertique. Et sur son chameau se trouvaient toutes ses provisions ainsi que sa boisson. Donc il a désespéré de retrouver son chameau et il a trouvé un arbre. Il est parti s'abriter sous l'ombre de cet arbre-là. Et pendant qu'il était ainsi, d'un seul coup, il voit son chameau devant lui. Il a couru, il l'a attrapé par les rênes. Et il a dit, quand il l'a tenu, il a dit, « Oh mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé à cause de sa grande joie. Tellement il était joyeux, il s'est trompé. « La buddha n'yakun muta'ammidan » C'est-à-dire qu'il le fasse, qu'il fasse cette parole-là volontairement. Wa dalil hadha hadith wa kadhalika hadith Abdullah ibn Abbas inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastaqri alayh. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ma communauté les khata, ce qui est fait par khata, par erreur ou mada wa an-nisyan et le par oubli et par la contrainte. On m'a stoukri ou alé. Par la contrainte. Voyez. Ibn Abbas. Le dernier hadith que je viens de citer. Ouais, Ibn Abbas. Ou hadith al-Farah, maktoub fil Rissal. Rawa Muslim, an Anas. Mais ça, ça peut pas être un dalil pour les deux takfir. Un dalil pour les deux takfir. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Parce que si Allah pardonne à la personne qui l'a fait par. Qui ne l'a pas fait volontairement et par. Non. Par contrainte. Non. Ça peut revenir par exemple au takfir qui est ciblé. Là. Comme par exemple les Khawarij, ils vont rendre le gouverneur qui va changer toutes les lois. Non. Mais ça se trouve que lui, il a fait par contrainte. Non. Quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire, si nous on dit que tu peux pas lui faire un tapis ciblé, il peut pas aller sur ce dalil-là. Eh, non, tu peux le sortir, ce dalil-là, non. Ahsan. Jamil. Aslan, تأتينا باب خاص بالحكم بغير ما أنزل الله. طيب donc que la personne soit عاقل, qu'elle soit بالغ, qu'elle fasse la chose d'une manière volontaire. طيب ثم كذلك مختارا له, مختارا له بمعنى qu'elle choisisse de faire cette chose là. طيب qui c'est Fatin qui peut nous expliquer la différence entre eux? Qu'elle choisisse de faire cette chose-là et qu'elle le fasse volontairement. يعني لما تنظر تقول هذا سوا. En fait, quand je choisis, c'est comme si c'était un choix, c'est quelque chose qu'elle veut, mais volontairement, ça peut être un truc que tu ne veux pas, mais tu veux dire. جميل. أحسنت يا محمد. الآن مثلا إذا جاء واحد وطرح على رأسك البندق أو المسدس ويقول لك اسجد لغير الله. Toi tu vas faire ce sujoud là volontairement. متعمد. T'as vraiment fait ce sujoud. عرفت? T'as voulu vraiment te prosterner. لكن est-ce que tu l'as choisi? Non, t'as pas choisi ça. Mais أنت مكره. Ça a été sous la contrainte. Non. Fabihana, t'as juste avec ces simples chouroutes, tu vois comment c'est pas simple. C'est pas simple de rendre une personne mécréante ou innovateur ou malin ou pervers. C'est-à-dire d'une personne qui est pervers. Non. Et Aslan, comment c'est Tina, Faslon, سنذكر كذلك أن في أحكامنا سواء التبديع والتفسيق وكذا وماذا التكفير والتبديع والتفسيق c'est qui parle de c'est qui peut dire d'une personne qu'elle est innovateur ou كذا أهل العلم les gens de science et on va voir c'est quoi le but visé par les gens de science parce que certaines personnes ils peuvent penser que يعني ما دام أنهم جلسوا بين يدي بعض العلماء وجلسوا ربما 5 سنوات أو 10 فلهم ذلك. alors que c'est pas forcément comme ça. la but que la personne qui parle dans ces مسألة elle est une malaka et elle est une c'est-à-dire elle est de bagage solide. que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans la aqida, que ce soit dans usul al-fiqh. Parce que tout ça, c'est ce qui est demandé pour la personne qui fait ce genre de jugement. Ça, c'est le juste milieu. C'est-à-dire, nous, on dit c'est une bœuf qui est ouverte pour tout le monde. Le plus bas des toulab al-ilm, il peut rentrer dedans. Et nous, on dit que c'est un chapitre qui est khas bi kibar al-ilma. Tu vois, tabdi'. C'est pas khas bi kibar al-ulama. Non. Lakin la budda min ilm. La budda. Non. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Wa inshallah ghadan nuwasil fi hadha al-kitab. Wa na'tadhir 'an dars at-tafsir. Inshallah kullu dhalika ghadan. Mukhtaran.